Quant à Sylvinet, il partit s'engager dans les armées napoléoniennes. Et comme il avait reçu assez d'éducation pour avoir de l'avancement, il en eut bientôt, et en 10 années de temps, de fatigue, de courage et de belle conduite, il devint capitaine, et encore avait la croix par-dessus le marché. Cette fadette avait bien prédit que la chose arriverait, disait la mère Barbeau. Oui, dès qu'elle l'avait annoncé. C'est égal, dit le père. Je ne m'expliquerai jamais comment son idée a tourné tout à coup de ce côté-là, et comment il s'est fait un pareil changement dans son humeur, lui qui était si tranquille et si ami de ses petites aises. Mon vieux, dit la mère, notre bruyant c'est là-dessus, plus long qu'elle n'en veut dire. Mais on n'attrape pas une mère comme moi, et je crois bien que j'en sais aussi long que notre fadette. Il serait bien temps de me le dire, à moi, reprit le père Barbeau. Eh bien, répliqua la mère Barbeau, notre Fanchon est trop grande charmeuse, et tellement qu'elle avait charmé Sylvinet plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Quand elle vit que le charme opérait si fort, elle eût voulu le retenir ou l'amoindrir, mais elle ne le put. Et notre Sylvain, voyant qu'il pensait trop à la femme de son frère, est parti par grand honneur et grande vertu, en quoi la Fanchon l'a soutenu et approuvé. « Si c'est ainsi, dit le père Barbeau en se grattant l'oreille, j'ai bien peur qu'il ne se marie jamais, car la baigneuse de Clavière a dit, dans les temps, que lorsqu'il serait pris d'une femme, il ne serait plus si affolé de son frère, mais qu'il n'en aimerait jamais qu'une en sa vie, parce qu'il avait le cœur trop sensible et trop passionné. »